garde un œil fixé. Sur la rue, j'ai la bonne cadence. Si t'as pas la carrure, laisse, j'assure la permanence. C'est mixé. Vodka RH, c'est Porsche, tu me remets. Putain de solidaire, comme un Renoir devrait l'être à 22 mai. Mec, t'adhères au truc ou pas? Rien à foutre, je suis coupable. Si la nature fait bien les choses, autant fermer la foudre. J'ai pas de soupape, de sûreté, je fous la merde. Tu me vises et s'il coupe pas, je rentre dans le trou, dans la légende comme Tupac. Mon crew, mon gang acquiesce. J'étrangle le microphone, trou le beat et repars avec la caisse. Prends ma part, rap sans la caisse. Le kick, les Shirley, mais qu'est-ce qu'on attend pour mettre le faya et hurler notre haine à Gaïa, élevé à la dure. Je suis pas la solution dont tu parles. Signe-moi mon chèque, on fera la révolution plus tard. Q-sex, bois la vie, je m'y cru, check. La plupart des mecs parlent de la rue, mais combien la vivent? Tout le monde veut sa part du steak, mais la bête est malade. Rares sont ceux qui graillent dans la zik et combien en vivent? Qu'on nous, on voudrait être sourds, eux voudraient qu'on se taise, qu'on reste en dessous, qu'on se taise. Donc je rentre dans l'instru, où est ma chaise, mec, fais-le ou crève. La réalité, c'est un cauchemar pour ceux qui rêvent. Je suis fatigué de plaider coupable avant le procès. Joue pas avec mes putains de nerfs, c'est quoi les faits qui me sont reprochés? Fatigué de pocher les cases mauvaises. Ils voient rocher de la tête sur mes phases et retourner vos vestes. Fatigué de ces labels qui tiennent ma rage par les couilles. On veut que ça kick, vu que c'est nous, on comprend rien par les coups. Fatigué par ce putain de monde en 16-9ème. Depuis c'est fugué, j'ai crié hip-hop pour qu'il revienne. Fatigué de cracher ma haine dans l'anti-pop. Écoute, fatigué d'entendre boss, refais-nous quelques gouttes. Fatigué d'être raide 8 jours sur 7. Lâche des bijoux lyrico et on retient que les putains de rimes où je pars en sucette. J'suis venu beugler dans le micro, en live du peuple. Fatigué de voir comment un écran peut aveugler un peuple. J'suis fatigué, ils ont voulu tester ma résistance. Ghetto ST, AR, on tient à distance. Monde de son, de monde de stress. J'ai smooth, me fatigue sur les ondes lourdes. Mec, laisse-moi lâcher la presse. Laisse-moi lâcher la pression. Skaise, laisse-moi lâcher la pression. Laisse-moi lâcher la pression. Ce monde me stresse et smooth me fatigue sur les ondes lourdes. Mec, laisse-moi lâcher la presse. Laisse-moi lâcher la pression. Skaise, laisse-moi lâcher la pression. Mec, laisse-moi lâcher la pression. La norme. Et le correct politiquement, ça saurait si je prêchais, je t'informe uniquement. Léché, je sais pas le faire, logiquement, t'es censé bouger. Y'a tout ce qui te manque dans mon son, t'as plus qu'à bouger. Ils demandent ceux qui disent que le hardcore a plus de jus. Sur le ciment, les jeunes crisent, c'est encore plus dur. J'la prise, l'ambiance à l'usure. Ce monde m'a pris, c'est comme une main sur la Bible, l'autre sur un flingue quand tu jures. Fatigué de me faire de la ville. Pour nos rejetons, on racle au futur miston. N'oublie jamais la bif et pas le max. Je suis fatigué d'entendre le même son. Des rimes tentes, l'industrie du 10, c'est le bifton et l'hameçon. Si t'étudies, lâche pas, arrache les diplômes. Marche pas avec les putes, guette les schmitts si tu deals. L'icône des sous-sols, il deal entre acier et soie. Et Babylone nous conseille d'enlever mes lacets et m'asseoir. Ce monde me stresse et smooth, me fatigue sur les ondes lourdes. Mec, laisse-moi lâcher la pression. Laisse-moi lâcher la pression. Laisse-moi lâcher la pression. Laisse-moi lâcher la pression. Ce monde me stresse et smooth, me fatigue sur les ondes lourdes. Mec, laisse-moi lâcher la pression. Laisse-moi lâcher la pression. Laisse-moi lâcher la pression. Mec, laisse-moi lâcher la pression. Fatigué de me justifier, mal noir, mon cop c'est violent certifié. Rack à identifier comme l'auteur du délit. Je m'y fais, on dit que les derniers seront les premiers à grailler, c'est dans les lits. Fatigué, me méfier de mes sources, c'est réel quand on se parle. Je n'ai confiance qu'en mes ennemis parce que les ennemis ne changent pas. Fatigué, mais y'a trop de taf pour laisser faire l'entourage. J'incite pas à la violence, moi je l'encourage si nécessaire. Trop de bourrage, de crâne, je me sens offensé. La zig coupe là, fatigué d'entendre que le rap français ça groove pas. J'ai l'air de me plaindre des fois, je veux tout niquer, graver mon timbre de voix. Dans les têtes fatiguées de ces rappeurs qui ont le même faux vécu, le même flow. T'es le sosie, le reflet du clone à ton frère jumeau, t'as même si. Fatigué de ces mômes quand t'entends sans écouter, y'a trop longtemps, smile dans l'hexagone, j'ai shooté le beat. Ce monde me stresse et smooth, me fatigue sur les ondes lourdes. Mec, laisse-moi lâcher la pression. Laisse-moi lâcher la pression. Laisse-moi lâcher la pression. Mec, laisse-moi lâcher la pression. Ce monde me stresse et smooth, me fatigue sur les ondes lourdes. Mec, laisse-moi lâcher la pression. Laisse-moi lâcher la pression. Laisse-moi lâcher la pression.